Chapitre 5e, le nouveau laitier dans Park Lane. Le poste d'aide de cuisine dans la maison du comte de Marolles n'est pas sans importance, et Mrs. Mopper est considérée comme une personne de quelque conséquence dans la salle des domestiques. Le chef français, qui a son cabinet particulier où il élabore et perfectionne de savantes combinaisons culinaires, qu'il désigne sous le nom de plates, quand il condescend à parler anglais, a naturellement des rapports très rares avec la domesticité de la maison. Mrs. Mopper est son premier ministre. Il lui donne ses ordres pour l'exécution et se rejette dans son fauteuil pour réfléchir à la création d'un plat, tandis que sa subordonnée rassemble pour lui les éléments vulgaires de son noble art. Mrs. Mopper est elle-même une excellente cuisinière, et quand elle quittera le comte de Marolles, elle a l'intention d'entrer dans une famille où il n'y aura pas de domestique étranger et veut avoir 40 livres par an et un salon exclusivement pour elle. Elle est maintenant à l'état de chenille, Mrs. Sarah Mopper, et elle se contente de prendre le titre d'aide de cuisine par intérim. Le dîner des domestiques et le repas de la femme de charge sont terminés, mais les préparatifs pour le dîner des maîtres n'ont pas encore commencé et Mrs. Mopper et Lisa, la laveuse de vaisselle, profitent d'un moment de calme avant l'avenue de leur âge et sont assises occupées à raccommoder des bas. « Ma foi, » dit Mrs. Mopper, « mes doigts passent à travers et mes talons sont usés. Je n'ai jamais le temps de faire une maille. Ici, il n'y a pas une minute de libre pour une domestique en sous-ordre et je ne veux plus garder cette position de subordonnée que pendant un an encore où mon nom n'est pas Sarah Mopper. » Lisa, qui raccommode un bas noir avec de la laine blanche, ce qui produit même un effet plein de fantaisie, n'a évidemment aucune envie d'avancer une proposition comme celle-là. « En vérité, Mrs. Mopper, dit-elle, c'est la chose la plus vraie que vous ayez jamais dite. C'est bon pour celles qui reçoivent des gages pour porter des robes de soie et pommader leurs cheveux et se mettre à la croisée pour regarder les équipages qui vont à Grosvenor Gate. Et ne me dites pas que les gardes du corps regarderaient indiscrètement en haut, si on ne les avait pas pareillement regardés en bas. » Elisa devient tout à fait inintelligible en ce moment. « Cette maison, Mrs. Mopper, peut être le ciel pour les domestiques supérieurs, mais pour les inférieurs, c'est un endroit qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle comme une lettre de l'alphabet, et ce n'est pas moi qui la prononcerai. » On ne sait pas jusqu'où ce style de conversation entièrement révolutionnaire eût pu aller, car en ce moment on entendit le bruit bien connu du tintement des bidons de lait dans la rue et le cri des laitiers de Londres. « Voilà Budgen avec le lait, Lisa. Il y a eu une pinte de crème en trop dans le dernier conte, » dit Mrs. Mellflower. « Priez-la de descendre et de rectifier cela. Voulez-vous, Lisa ?» Lisa monte les marches de la cour et parlemente avec le laitier. Bientôt celui-ci descend avec bruit, heurtant les barreaux de l'escalier de ses bidons ballottants. Il est complètement gauche avec ses bidons, ce laitier, et je crains qu'il ne répande plus de lait qu'il n'en vend, comme le témoigne le pavé de Park Lane. « Ce n'est pas Budgen, » dit Lisa, en manière d'explication, comme elle l'introduit dans la cuisine. Budgen a été blessé à la jambe en traillant une vache, qui a lancé un coup de pied quand les mouches la tracassaient, et l'a envoyé à sa place ce jeune homme, qui est entièrement neuf à sa besogne, mais qui est désireux de faire de son mieux. Le nouveau laitier entre dans la cuisine à la fin de ce discours et, se débarrassant de ses bidons, déclare qu'il est disposé à réparer toute erreur dans le conte. Il a tout à fait bon air, ce laitier. Sa tête est toute bouclée de cheveux d'un blond doré, ses sourcils étonnamment clairs, mais il a des yeux d'un brun noisette qui forment un contraste très piquant. J'ose dire que Mrs. Mopper et Lisa ne lui trouvent pas mauvaise tournure, car elle l'invite à s'asseoir et la laveuse de vaisselle jette les bas noirs avec lesquels elle était précédemment aux prises dans le tiroir d'une table et lisse à la hâte ses cheveux avec la paume de sa main. L'homme de M. Budgen ne paraît en aucune façon éloigné d'entamer une petite causerie amicale. Il leur dit combien il est neuf à la besogne, comment il n'aurait pas songé à choisir pour métier celui de nourrisseur, s'il avait connu sur cette profession tout ce qu'il sait aujourd'hui, combien il entre de choses dans le commerce du lait, telles que la cervelle de cheval, l'eau chaude, la mélasse et autres substances de ce genre qui répugnent à sa conscience. Comment il est nouveau à Londres et n'en connaît pas les trucs, étant arrivé tout dernièrement du pays. « De quel côté est votre pays ?» demande Mrs. Mopper. « Dans le Berkshire, » répond le jeune homme. « Ciel ?» dit Mrs. Mopper. « Jamais chose plus extraordinaire. » Le pauvre Mopper sortait du Berkshire et connaissait jusqu'au moindre pouce du pays. Et je crois le connaître aussi bien. « Quelle partie du Berkshire, monsieur ?»« Monsieur Volpus, » insinua le jeune homme. « Monsieur Volpus, pareil, chose étrange à dire, entièrement embarrassé pour répondre à cette question si naturelle et si simple. Il regarde Mrs. Mopper, puis Lisa, et enfin les bidons. Ceux-ci semblent venir au secours de sa mémoire, car il répond très distinctement « Burlesque Scoffers ». C'est maintenant au tour de Mrs. Mopper d'avoir l'air déconcerté. Il s'écrie « Burlesque Scoffers ?» réplique le jeune homme. « Burlesque Scoffers, ville de marché à 40 000 de ce côté-ci de Reading. Les Chicories, domaine de Sir Yorick Tristram, sont à 1,5 mille de la ville. » Il n'y a pas à contester une description aussi détaillée. Mrs. Mopper dit qu'il est singulier, que toutes les fois qu'elle a été à Reading, « et je voudrais avoir autant de souverains qu'il m'est arrivé d'y aller », murmure-t-elle entre parenthèses. Elle ne se souvient pas d'avoir jamais passé par Burlesque Scoffers. « C'est une assez jolie petite ville, cependant, » dit le laitier. « Il y a une avenue de tilleuls juste à la sortie de la grande rue appelée Promenade des Charcutiers, qui est encombrée par la jeunesse le dimanche soir après l'office. » Mrs. Mopper est complètement convaincue par cette description et dit que la première fois qu'elle ira à Reading pour voir la vieille mère du pauvre Mopper, elle se fera un devoir d'aller à Burlesque Scoffers pendant son séjour. M. Bolpas dit qu'il le ferait s'il était à sa place et qu'elle ne pourra mieux employer ses jours de loisirs. Il cause beaucoup du Berkshire et puis Mrs. Mopper raconte des faits très intéressants sur le défunt M. Mopper et la résolution qu'elle avait prise, ce qui avait été une pensée bien consolante pour le pauvre homme sur son lit de mort, de ne jamais se remarier. Cela semble affliger le laitier. Il dit que les gentlemen seront vraiment bien aveuglés sur leurs propres intérêts s'ils ne réussissent pas à la faire changer un jour de détermination. Et de façon ou d'autre, je ne suppose pas que les domestiques fassent souvent de semblables choses, ils viennent à causer de leur maître et de leur maîtresse. Le laitier semble prendre un grand intérêt à leur maître, et oubliant dans combien de nombreuses maisons le liquide innocent qu'il distribue peut être réclamé, il reste les coudes appuyés sur la table de cuisine à écouter les observations de Mrs. Mopper et de temps à autre, quand elle s'éloigne du sujet, il les ramène par une adroite question. « Elle ne sait pas grand-chose sur le compte, dit-elle, car tous les domestiques qui les servent sont nouveaux. Ils n'ont amené avec eux de l'Amérique du Sud que deux personnes, le chef, M. Saint-Mirantaine, et la femme de chambre française de la comtesse, Mademoiselle Finette. Mais elle pense que M. de Marolles est très hautain et aussi fier qu'il est haut placé, et que Madame est très malheureuse. » Quoiqu'il soit difficile de rien savoir de ce qui en est avec ses bouches closes, Monsieur Bolpas, et madame, ajoute-t-elle, un air mélancolique qui est peut-être à la mode en France, que sais-je? Il est anglais, le comte, n'est-ce pas? Demande Monsieur Bolpas. Anglais? Que Dieu vous bénisse, non pas! Ils sont français tous les deux. Elle est d'origine espagnole, je crois, et ils ont vécu depuis leur mariage le plus souvent dans l'Amérique espagnole. Ils parlent toujours français entre eux, quand ils se parlent, ce qui, d'après le dire de ceux qui les approchent, n'arrive pas souvent. « Il est très riche, je suppose, » dit le laitier. « Riche ?» s'écria Mrs. Mopper. « L'argent que cet homme a gagné est, dit-on, fabuleux, et c'est un homme fort assidu aux affaires. Descendant à sa maison de banque tous les jours, il monte à cheval pour se rendre à la cité aussi régulièrement que l'horloge qui sonne 10 heures. « Mon Dieu !» soit dit en passant, « Monsieur Bolpas, » dit Mrs. Mopper subitement, « vous ne connaîtriez pas par hasard un groom provisoire. En connaîtriez-vous un ?»« Un groom provisoire. » M. Bolpas paraît considérablement embarrassé. Parce que voyez-vous, le groom du comte, qui n'est pas plus haut que cette table de cuisine, je crois, s'est cassé le bras l'autre jour. Il se tenait suspendu au courroie derrière le cabriolet, ne reposant ses pieds sur rien, selon l'habitude de ces petits garçons, quand la voiture a été heurtée par un omnibus, et son bras, arraché tout d'un coup de la courroie, a été cassé comme un morceau de cire à cacheter. On l'a conduit à l'hôpital, et il reviendra aussitôt qu'il sera guéri. Car c'est une chose à considérer, qu'il est presque le plus petit groom de West End. Connaîtriez-vous un petit groom qui voudrait venir provisoirement ? Le jeune homme de M. Budgen paraît si vivement impressionné par cette question que pendant une minute ou deux, il est absolument incapable d'y répondre. Il appuie ses coudes sur la table de cuisine, sa figure cachée dans ses mains et ses doigts plongeant dans sa chevelure blonde, et quand il relève la tête, chose étrange, son teint pâle est animé d'une chaude rougeur et ses yeux bruns clairs ont quelque chose de triomphant dans leur regard. « Rien ne saurait mieux tomber, » dit-il. « Rien, absolument. »« Quoi, que le pauvre garçon se soit cassé le bras ?» demande Mrs. Mopper d'un air étonné. « Non, non, pas cela, » dit le jeune homme de M. Budgen, d'un air un peu confus. « Ce que je veux dire, c'est que je connais un petit garçon qui vous convient parfaitement, le petit garçon le plus capable entre tous de faire l'affaire. »« Ah » continua-t-il d'une voix plus basse. Il arrivait aussi par là, au véritable but. « Oh, quant à ce qu'il y a à faire, » répliqua Mrs. Mopper, « ce n'est pas considérable. Il faut se tenir derrière la voiture, avoir l'air éveillé, et donner aux autres grooms la monnaie de leurs pièces, quand ils attendent devant le Colting ou l'Antinium, ou les grooms auxquels les plus grands noms de la pairie sont aussi familiers que le boire et le manger nous traitent d'un air de mépris, appelant la banque boutique et bureau de renseignement, jusqu'à ce qu'ils aient excité la bile de notre garçon, qui reçut des leçons pour sa guinée de Mauler de Mayfair, et qui eut mieux fait de ne pas en prendre, et se moque de nous quand, dans l'opération du change, nous donnons nos 9 pence à la livre comme une honnête maison où faisons ce misérable commerce en nous contentant de faire en compensation avec nos clients un bénéfice de 4 deniers. Ah ! Continua tristement Mrs. Mopper, ce n'est pas une fois que l'enfant est rentré à la maison avec un nez aussi gros que la tête d'un baby de 6 semaines, et avec des yeux dans un tel état qu'on ne les distinguait plus, et qu'en mangeant son dîner, il avalait ses dents de devant, qui avaient été brisées dans sa bouche dans une lutte à coups de poing avec un garçon 3 fois plus gros et plus grand que lui. Ainsi, je puis envoyer le petit garçon et vous lui feriez donner la place, dit le jeune homme de M. Bodgan, qui ne semblait pas s'intéresser vivement à ce récit minutieux des exploits du groom blessé. Il peut présenter un certificat, je suppose, demanda la dame. Oh, assurément. Bodgan lui donnera un certificat. Vous ferez bien comprendre à ce jeune homme, dit Mrs. Mopper avec dignité, qu'il ne doit pas espérer rester toujours ici. Le salaire est bon, les repas sont réguliers, mais la position n'est que provisoire. « Très bien, » dit le garçon de M. Bodgan. « Il ne demande pas une place pour longtemps. Je reviendrai ce soir avec lui. Au revoir. » Après ces très courts adieux, le laitier aux cheveux blonds et aux yeux noirs sort de la cuisine. « Hum !» murmura la cuisinière. « Ses manières n'ont pas le poli de Londres. Je veux l'inviter à prendre le thé. »« Vraiment ? Que Dieu me bénisse !» s'écria soudain la laveuse de vaisselle. S'il n'est pas parti en laissant son joug et ses bidons derrière lui, ma foi, de tous les laitiers extraordinaires que j'ai jamais vus, celui-ci est le plus extraordinaire. Elle l'aurait trouvé peut-être plus extraordinaire encore, ce laitier aux cheveux blonds, si elle l'avait vu aller un cab qui passait dans Brook Street, s'élancer dedans, se débarrasser de sa chevelure blonde, dont les boucles couleur d'hyacinthe appartenaient à l'objet désigné par le plus désagréable des mots, une perruque. Se débarrasser aussi de sa blouse en toile de Hollande, vêtements portés par les fournisseurs de lait, et faisant un paquet du tout, le fourrer dans la poche de sa veste de chasse, tandis que de l'autre main, il arrange négligemment sa chevelure noire sur son front, puis se jeter dans un coin de la voiture où il se livre en réfléchissant au plaisir d'un cigare, pendant que son cocher se hâte dans la direction de ce temple transpontin d'Esculape, le cabinet de chirurgie de M. Darley. Dick le diable vient de faire le premier mouvement dans cette terrible partie d'échecs qui va se jouer entre lui et le comte de Marolles.